Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de RQC 95 FM comme tous les mardis soirs évidemment, donc de 20h à 22h30. J'espère que ça va bien chez vous et que vous êtes heureux donc de nous retrouver. Eh bien ce soir ça va être une émission pleine de folie, je le sens, parce que là il y a autour de la table des gens bien énervés. Et on va commencer la présentation évidemment avec la donzelle de l'équipe, notre Onissa à nous, qui nous a fait des fausses joies, puisqu'on on nous a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui, mais c'est pas son anniversaire. Oui, non, j'ai halluciné, oui. Ouais, c'est ouais, voilà, donc un petit problème, mais bon, donc bonsoir Onissa. Bonsoir à tous. J'espère que ça va bien. Super génial. Alors, joyeux non-anniversaire, alors du coup. Oui, comme dans Alice, au Pays des Merveilles. Alors, raconte-moi un peu cette histoire, parce que j'ai pas bien compris, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était ton anniversaire, mais ça ne l'est pas. Alors, oui, non, mais j'ai halluciné, c'est... Canon qui m'a envoyé « Je te souhaite un putain de super méga anniversaire ouais. ». J'ai fait « Écoute mon loulou, t'es super génial, mais t'es un peu à l'avance, toi c'est le 14 juillet ». D'accord, bah ouais, c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais. Ah, il m'a... Non mais l'empêche, c'était sympa parce qu'il m'a envoyé des photos de la radio avec certains... Oui, avec Raval d'ailleurs. Ouais, c'est... Ouais. Si, c'était sa poche, donc j'ai vraiment bien l'apprécié et puis... Et puis je vous parlerai de ma super soirée. Oui, génial. Tu vas nous parler du bœuf gras. Oui, c'était excellent. Et ouais. Je vous parlerai de la prochaine soirée, n'est-ce pas? Parce que j'ai des week-ends très chargés. Oui, évidemment. Bah, tu parleras de tout ça d'ici quelques minutes. Bah, ouais. Je te laisse fiesta. Ça, nous présenter évidemment un de nos animateurs de l'équipe de 80 à l'heure. Oh, oui, c'est notre Griblitz préféré. Bonjour, mon petit loulou. Philippe 4, comment tu vas? Bien. Ouais, bah très bien. Tu pourrais vous présenter quand même. Et ben quoi, je vous présente. La bille. Ah bah notre Gremlins préféré, je vous l'ai présenté. Ah tiens, bon, on va l'appeler Gremlins maintenant. Alors, ouais, ah ouais, mais moi je l'adore. Salut Gremlins. Ah non. Tu préfères Gremlins que Forban quand même. Ah tout à fait. Ah voilà, on est d'accord. La preuve, c'est que bon, les auditeurs peuvent pas le voir, mais ouais. J'ai un grand sourire. Ah mais j'adore le Gremlins. Et franchement, allez, je trouve que le personnage il te colle bien. Et ça me dérange pas. Ah ouais, franchement, voilà. Excellent. Donc bonsoir mon petit Philippe 4 préféré. Bonsoir Yves, bonsoir Sherlock. On va vous laisser tête à tête. Hein. Oui, bien sûr. Attends, il se parle comme ça, tranquille. Non, mais pas de problème. Ouais. Ah bah, et bonsoir à nos auditeurs, évidemment, hein. En passant, ne pas les oublier. Ah bah oui, évidemment. Bah, ah on oui, est là on pour leur fait eux, des coups. On est là pour tout eux. Tout à fait, et, ouais. Sherlock aussi est là pour eux. Oui. Comment ça va, mon petit Sherlock? Mais ça va, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Sherlock. Bonsoir Sherlock. Comment est-ce que ça va bien? Ça va, ça va. Alors ce soir, toi, tu vas nous parler de Cinoche? Oui, bien sûr. Ah bah ouais, donc tu nous parleras du rétro ciné 80? Ouais. Alors, un film de quelle année? C'est une bonne question. Ah voilà, ça y est. Il avait fait un effort. Il avait fait un effort. 87. 87, d'accord. Et puis ensuite, évidemment, tu nous parleras des sorties Cinoche. Tu vas nous donner envie à ou pas. À 22h, ouais. Je vous parlerai des sorties Cinoche. Alors, j'ai eu un peu de mal cette semaine à trouver quelque chose. J'espère que je vais quand même réussir à vous donner envie. Je vous avais parlé justement de Split. Oui, ouais, si tu nous avais parlé de ça. Je vous invite à aller le voir. Tu as aimé? Bonsoir Harry. Bonsoir. On t'a pas dit bonsoir. Oui, c'est vrai. Mais si, hors antenne, tu m'as dit bonsoir. Oui, mais sans toi, pas tout raconter. Moi aussi, je l'ai salué aussi. Mais oui, bien sûr. Mais oui, donc Split, oui, bah si, je vous en avais pas touché un mot. C'est le dernier de Night Shyamalan. Aide-moi, Shyamalan. Shyamalan. Non, Shyamalan. Shyamalan. Voilà, beaucoup absolument. De la misère, toi. Donc, avec celui qui a fait le sixième sens, entre autres, Incassable. Et donc, sa marque de fabrique, c'est toujours le rebondissement à la fin du film. Là, il y a effectivement un rebondissement qui est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pourquoi pas. C'est assez sympa. Et puis, je vous avais parlé de l'acteur principal qui est, ma foi, un très très bon acteur. James McAvoy. Ouais, alors je ne le connaissais pas, lui. Mais, alors, James McAvoy, il a fait les X-Men, mais la génération où ils sont jeunes. Ouais. Donc, c'est parce qu'il y a eu deux professeurs Xavier dans les X-Men. Ah, ouais. Enfin, dans les films, tout du moins. Il y a eu deux professeurs Xavier. Il y a Patrick Stewart qu'on a connu avec Star Trek, Star Trek, ouais. Par exemple. Et il y a eu James McAvoy qui jouait le professeur Xavier jeune. Ah, parce qu'ils ont fait une série de d'X-Men où ça se passait dans le temps, donc début des années 80 sûrement. Et donc là, on le voyait jeune. Et bah, maintenant, bah, il a joué dans Split. D'accord. Ah, oui, d'accord. C'est un très bon acteur. Rien que pour ça, faut aller le voir. Bon. Faut aller le voir. Ouais, et puis ça a l'air d'être un film sympa. Ouais. Ouais, ouais. Je pensais que t'avais été le voir, Sherlock. Non, non, non. Là, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps cette semaine parce que bah, là, je vais déménager. Ouais. Ah, bonne nouvelle. Ouais. Ah, c'est bien ça. On a eu la nouvelle là aujourd'hui. Ah. Donc voilà, qu'on pourra enfin. Donc t'as une chambre de libre. Et oui. La crémaillère, c'est quand là? Eh bah, on y ça. Bah, je sais pas. On a eu juste la réponse aujourd'hui. Ah, oui. Là, je peux il va falloir copuler pour la remplir, la chambre. Pas avec moi, hein, je parle. Nous faire un petit coco. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Eh bah, ben, il faut faire un petit coco. Est-ce qu'on peut venir chez toi faire un petit coco? Alors, faire un petit coco et un petit coco en même temps. Il faut faire une petite sœur à la princesse, quand même. Ouais, voilà. À Tchoubilout. Un Tchoubidout ou allez, Pépette. Ce qu'on va faire, on va faire une petite coupure musicale. Oui, bien sûr. Et on se retrouve juste après, évidemment. Ça marche. Eh ben alors, avec Tok Tok et It's My Life. Tok Tok. Et ensuite, on reviendra juste après The Cure avec In Between Days. Yeah. Eh ben, c'est très bon, ça. Allez, c'est parti. Thank you. Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Et ouais, partenaire particulier, un groupe emblématique des années 80, évidemment, qui rappelle certainement de grands souvenirs à chacun d'entre vous. Enfin, j'imagine quand même, à l'époque, ça a super bien fonctionné. Ouais. Il tourne encore. C'est plus tout à fait la même formation, hein, puisque maintenant, c'est Eric et un autre. Il y en a un de départ. Hein. Ouais, absolument, qui n'est plus là et qui a été remplacé donc, par un autre gars, qui est aussi sympathique d'ailleurs, et qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer il y a quelques temps lors de la tournée Top 50. Ah, ça devait être chiant, ça. Oui, c'est sympa, c'est très très sympa, surtout si on aime les années 80, bien évidemment. Après, c'est très fédérateur, ce type de musique, évidemment. Bon, allez, après, quand on est fait une musique, il faut quand même reconnaître que c'est pas très... Bon, voilà, c'est que du synthé, et puis quelques paroles rengaines, et puis... mais ça marche, quoi. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, il y a eu... C'est pas le seul exemple, il y a eu pas mal de trucs. Maintenant, avec le recul du temps, quand on écoute, on se dit, franchement, c'était... C'est pas très évolué, il faut être honnête. Bah oui, mais c'était pas l'objectif. Mais ça marchait quand même, quoi. Bah, je crois que ça a été aussi l'un des éléments clés de leur succès, c'est que très souvent c'est des paroles très simples et qui reviennent et qui ont qu'on retient facilement. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on écoute la chanson francophone, ceux qui marchent le plus, c'est ceux où les paroles sont rengaines et qui répètent tout le temps. Tout à fait. Ou sont en anglais. Ou en anglais, mais en anglais c'est un peu moins évident, quoi. Ouais, non, mais quand c'est répétitif. Maintenant, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de groupes français qui chantent en anglais. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Ouais, c'est juste. C'est pas faux. De mieux s'exporter aussi. Hein. Ouais, mais il y a de ça. Mmh. Ou alors, ils font une version française et une version anglaise. Ouais. Voilà. Bah, par contre, il y a parfois des titres en anglais, il vaut mieux pas qu'ils fassent des versions françaises, quoi. Mmh. Oui, c'est un peu. Voilà, ouais, c'est vrai. Avec des traductions un peu. Stromae, il avait fait ça. Hein, ah, certainement, ouais. Ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs une phase B, c'était réservé au marché espagnol. Ah, d'accord. Il y avait le succès qu'on connaît, Papa Outé. Ouais. Et en phase B, il avait fait Papa Ella. Oh ouais, d'accord. Non, d'accord. Il fallait qu'elle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'émission Les Grosses Têtes. Voilà. Jeu de mots, Rabucho. Question 2. Et je croyais que c'était sérieux. Hein, ouais, franchement, je m'attendais à quelque chose de sérieux. Je me suis dit, tiens, là, il va nous apprendre quelque chose. Voilà, un petit moment de culture. Et non, mais ça peut arriver aussi. Je raconte pas que des conneries. Non, mais pas que. Ouais, j'avoue. Ceci dit, vous imaginez quand même si on prend des titres anglais qui ont super bien marché en France et qu'on les traduit en français. Je pense par exemple à Born to Be Alive de Patrick Hernandez en français. Né pour être pas terrible, hein. Né pour être vivant. Ouais, voilà. Ouais, je suis né pour être vivant. Né pour être vivant. Ah, ça doit être terrible, quoi. C'est vrai. Imaginez un peu. Mais et, par contre, ce qui est assez curieux, c'est quand même Born to Be Alive a marché sur toute la planète, quoi. Alors des fois, je me pose des questions. Je me dis, mais quand même, par exemple, aux États-Unis, c'est quand même la langue maternelle. On a des paroles qui sont pas très fut-fut et ça fonctionne, quoi. Et ça marche. Et c'est là que je me dis, oh. Curieux, et c'est la musique aussi. Le ah ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est la musique qui est rengaine aussi et qui fait danser. La rythmique, ouais. Voilà. Une canne blanche, c'est bon. Hein, les gens, enfin à l'époque, allaient dans les dancing. C'est cela, ouais. Et dans les balles encore avant. C'est ça. Et dans les balles et dans les booms. Ouais, c'est ça. Et de ce fait-là, ils faisaient pas forcément attention aux paroles. Ils étaient plus sur la musique, à mon avis. Ouais, quoi qu'en même temps, encore aujourd'hui, hein, je pense qu'il y a encore pas mal de titres anglophones. Les paroles, elles sont pas piquées des vers. Ouais, mais les gens traduisent pas. Hein, quand c'est la langue maternelle, malgré tout, je sais pas, moi, ça m'étonnerait, quoi. Moi, quand je faisais du chant, toutes les chansons en anglais, tu dois les traduire parce que si tu connais pas le texte, tu sais pas ce que ça veut dire, tu peux pas l'interpréter. Mm-hmm. Les jeunes, ça les dérange pas, hein. Ils s'en fichent. Ah ouais, ouais, peut-être. Donc ça reste comme ça aussi, certainement, quand t'écoutes une chanson, c'est plus le son. Ouais, bon, ok. C'est la même raison. Ouais. Ah bon, on va continuer en musique, Sherlock. Déjà ? Tiens, allez, on va se faire une petite... Ah, il y a envie du son. Ouais, c'est parti. Comme tu as la coutume de le faire. Ouais, bah écoute, là je fais un... Elle a baissé son seul. Une roulette song, c'est une roulette song. On venait d'entendre Partenaire particulier avec Partenaire particulier. Donc titre éponyme, n'est-ce pas ? C'est ça. Bah là, on va s'écouter Partenaire particulier, mais avec Elle est partie. Ah ouais. Deuxième titre non éponyme. Ouais, absolument. Mais il n'y a pas eu que ça, il y en a eu d'autres. Hein. En fait, c'était une aventure. Il y a eu quelques titres quand même de Partenaire particulier. Elle est revenue. Mais non. Non, mais il y en a eu d'autres. Mais, hein. Mais quand t'écoutes, elle est partie, c'est un peu Isabelle a les yeux bleus. Hein, ouais, oui. Mais ceci dit, les inconnus. Ah oui, si. En fait, c'était pour éviter les parfums. Après, c'était Isabelle à les yeux verts. Gwendoline. Gwendoline. Et après ? Et ensuite, on reviendra avec Pink Floyd et Another Brick in the Wall. Bien. 1980. Ça y est, tu t'améliores, mon ami. Ouais. T'as vu ça ? Bien anticipé. J'ai fait un stage d'amélioration. On va renouveler ton. C'est le Sherlock 2.0 que tu as devant toi. Allez, c'est parti. Trop jolie et qui pendant tout que c'est Bonsoir, vous êtes avec Pogo sur Radio RQC 80 à l'heure. Et là, Onisa va chanter « Moi vouloir être chienne » Chienne ou Cheyenne ? Chienne. Des Cheyennes. Bon, parlant de Cheyennes, Onisa, tu voulais nous parler du bœuf gras, puisque tu as participé au bœuf gras. Ah, c'était excellent. Alors, rappelle-nous un peu le principe, parce que moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout, enfin, de nom. Mais le bœuf gras, c'est un événement, apparemment, sur Moucron. Ah oui, oui. Et alors, l'organisation cette année, mais géant, quoi. Ah ouais, alors déjà, ça consiste en quoi ? Tu vas là-bas, tu manges ? Non, déjà, il faut réserver, parce que ben, là, c'était complet. Donc, non, mais ça, je me doute, comme dans n'importe quel machin. Mais non, ça consiste en quoi ? Tu manges ? Non, oui. En fait, si tu veux, tu payes 40 euros et t'as l'apéritif. Ah, quand même ! Ouais, mais bon, t'as l'apéritif, ouais. le vin à table. À discrétion ? Ouais. Ouais. Il y en a qui sont bien discrets. Hein. Ouais, j'imagine. C'était terrible. Mm-hmm. Donc après, t'as toi un service de buffet. Donc, mais là, tu peux tout goûter. Il y avait du couscous, il y avait repas italien, il y avait du bœuf gras. Oui, je me doute. Ils ont fait un plateau de fromage cette année en plus, donc c'était géant. Ouais. Crudité, enfin toutes sortes. Et ça réunit combien de personnes ? On était 2740. C'est énorme. Ouais, et organisation béton, parce que pour se garer, c'est impossible. C'était au centre expo, donc pas moyen. Ah bah oui. Donc ils ont fait bifurquer tout le monde sur le parking d'Autosport Willy. Ouais. Et il y avait un système de bus. Ah oui, à ce point-là. Franchement, des navettes entre Autosport Willy et la salle, franchement, le centre expo. Donc alors, le vin à discrétion jusqu'à la fin du repas. Et après, il y a une soirée dansante. Avec 2800 personnes. Ouais. C'est énorme. Ah, c'était super, super bien fait. Et le seul petit bémol, c'est quand tu dois faire pipi. Il faut faire la queue. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Alors, et t'as un toilette. Ouais. Et en plus, c'est vrai, je te promets. Ah ouais. Ils ont fermé un des toilettes, on ne sait pas pourquoi. Donc, je te dis pas la queue. En fait, avant d'avoir envie de faire pipi, tu vas faire la queue d'abord. D'accord. Mais, ouais. Tu dis, bon, d'ici ça. Une heure, je dois aller aux toilettes, ouais. Donc je vais attendre. Ouais. Mais par contre, organisation super géniale. Tout roule impeccable. Franchement, chapeau. Ils arrivent à servir tout le monde en même temps, non ? Non, c'est un buffet. C'est les buffets, donc. Ouais, mais tu dois faire la queue aussi pour le buffet. Enfin, oui, mais ça va vite encore. Hein. Ils sont super bien organisés. Hein. Et qu'est-ce qui organise ça, alors ? Kenawi, là, et donc tous les restaurateurs de Moucron. D'accord. Et donc les bénéfices sont reversés, c'est ça ? C'est pour les associations, oui, pour les enfants défavorisés. D'accord. Et quand tu penses qu'ils ont commencé avec 350 convives, c'est chapeau. Mais comment on explique un tel succès ? Enfin, ouais. Le bouche à oreille, et puis d'année en année, les gens... moi, je suis allé, on était deux, après tu vas à quatre... Ah, ils ont commencé à deux, et maintenant vous êtes à 2800. On commence tous à deux. Hein. Mais on finit pas tous à 2800. D'accord, donc le bœuf gras, moi je connaissais pas. Ah non, franchement. Bah, moi non plus. Et en fait, si, c'est. Tous les... T'as raison, ça doit être quand même bien populaire. J'ai un ami qui habite Moucron et dans une de ses publications Facebook, il avait demandé qui allait. Donc ça m'a fait tilt, je me souviens que tu en avais parlé mardi. Si, effectivement, ça doit être bien populaire. Mais l'année prochaine, je leur parlerai bien à l'avance, comme ça les gens peuvent. Par contre, c'est dommage, ça se passe un jeudi soir, c'est ça ? C'est toujours un jeudi. Ah d'accord. C'est toujours le deuxième jeudi. Parce que ça finit bien tard quand même, ce genre de soirée, j'imagine. Bah, normalement, officiellement, à 2h, c'est extinction des feux. Ouais. Mais bon, ça dévie un peu. Ouais, on a un peu de rab et puis. Mais t'as tous les. Allez, t'as tous les groupes d'assurance, enfin, tous les patrons viennent avec leurs employés. Si, c'est vraiment... C'est sponsorisé, non ? Bah, certainement. Certainement. Pas cochonou, non ? Pourquoi ? Ah non, c'est le bœuf, non, c'est pas un oignon. Oh là là, Philippe 4, coupe ton micro, s'il te plaît, Sherlock. Si, si, il y avait du jambon braisé quand même, il y a raison. Il y avait un peu de cochonnerie. Ah bah oui, je me doute. Il y avait des grosses cochonnes aussi. Bah on sait, tu y étais, Onissa. Mais non, mais franchement, c'était impeccable, super bien fait. Eh bah justement, tu nous parles de cochonnes. C'est vous les cochons. C'est une belle transition, justement, pour vous parler d'un événement. Je t'ai bien introduit, allez, vas-y. Ah ouais, ouais. Absolument. Pas le salon de l'agriculture, on continue. Donc une belle transition quand même pour vous parler d'un événement qui nous tient à cœur évidemment, puisque c'est organisé par la radio RQC et depuis de nombreuses années, donc c'est un événement qui fonctionne très bien, c'est un rendez-vous que tous nos auditeurs et auditrices affectionnent tout particulièrement. Ça se passe donc le 2 avril 2017 puisque c'est notre apéritif repas. L'apéritif repas donc de Radio Kishifel, donc au menu évidemment c'est le cochon à la broche, à la broche. Voilà, donc bon évidemment avec l'apéritif et puis tous les accompagnements qui vont bien, donc c'est 17 € le menu, donc si vous souhaitez faire partie des convives, surtout n'hésitez pas à réserver votre place, il en reste encore quelques-unes, alors faites vite parce que c'est le 2 avril donc c'est bientôt. Pour réserver il suffit donc d'appeler au numéro suivant, au 04 79 09 70 52, ou alors précédé du 00 32 de la France, donc je répète, 04 79 09 70 52, ou alors au 056 34 07 83, donc c'est le numéro donc de la radio, n'hésitez pas à appeler, donc si vous appelez évidemment c'est pendant les coupures musicales. Il y aura donc également donc une tombola avec comme premier prix donc un smartphone, donc c'est assez sympa. Ouais. Donc nous on y sera bien évidemment, on ira faire un saut pour aller croiser donc nos auditeurs et auditrices, et tout ça pour vous dire aussi que vous aurez l'occasion donc de rencontrer vos auditeurs et de mettre un visage sur les voix que vous entendez donc sur toutes les émissions. Vos animateurs. Ah, animateurs, oui, bah oui, évidemment. Et moi je te le dis discrètement, mais lui, paf, en plein dans. Non, mais il a raison. Non, oui, d'accord. Et évidemment, vos animateurs préférés, vous les verrez tous. Vous verrez Sherlock en chair. Ceux que vous aimez un peu moins aussi, vous les verrez aussi. Vous verrez Sherlock en chair et en os, enfin plutôt en chair qu'en os. C'est ça. Ne confondez pas avec le cochon à la broche. Non, quand même. Donc, animateur, chroniqueur. Croque-niqueuse aussi, puisqu'on a une croque-niqueuse parmi nous. Oui, je serai. Voilà. Et la différence entre si vous n'arrivez pas à faire la différence entre Sherlock et le cochon, ben vous verrez, il y en a un qui a du persil dans le nez, et pas l'autre. Donc surtout n'hésitez pas, on compte sur vous parce que ça fait partie des nombreux événements qui sont organisés par la radio, parce qu'on vous rappelle qu'on est quand même une radio libre, on n'est pas sponsorisé, il n'y a pas de commerce, on ne fait pas de commerce ici, donc voilà, donc c'est une façon de pouvoir donc subvenir à nos besoins et d'émettre comme on le fait aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est le 2 avril 2017 donc à la salle bleue, donc c'est au centre expo à Moucron. Voilà, on compte sur vous, il reste encore quelques places pour passer un bon moment et puis bien manger. Surtout n'hésitez pas. Ok, ça marche. Et nous, on y sera. Bah oui, on y sera, ouais. Ah, absolument. Rappelle-nous un peu la date. C'est le 2 avril. C'est un dimanche. Ouais. Ok. Tu vas y arriver. Ah, c'est parce que j'ai un planning d'avril bien. Ah, mais déjà... nous aussi, on a tout. Ouais, le mec, il dort jusqu'à 13h. Ah, j'ai un planning. Non. Si tu suivais mes publications, je ne dors pas beaucoup le week-end, justement. Ouais. Il dort que la semaine, lui. Ouais, c'est ça. Non, j'ai peut-être un défilé le 2 avril, pour tout dire. Ah, tu fais ça en maillot de bain, j'espère. Non, c'est pas de saison, non. C'est toi qui défiles quand même, le 2 avril. Entre autres, oui. Avec un groupe. Tu vas nous tenir au courant, quand même. Alors, des photos, de toute façon. Mais nous, on veut voir le live. Attends. Oh, ah, il y aura peut-être un live, oui. Mais c'est la Gay Pride le 2 avril. Alors, les Gay Pride, parce que sinon, Harry est intéressé. Oui, je sais. Il a fait celle de Miami. Non, mais comme je t'avais dit, je te tiens au courant pour ça, t'inquiète. Pour l'instant, la date n'est pas encore fixée. Eh bien, écoute, on a hâte de voir ça. Ouais, donc, le défilé des formants qui aura lieu donc le 2 avril. Ouais, on en parlera. C'est Grémines, ça. Aussi. Sony, ça. Ouais. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va écouter un peu de musique, là. Ah, oui. Mais moi, j'ai pas fini mon actualité, quand même. Eh ben, on s'en fout, en fait. T'inquiète. Ah, oui, ne me laissez pas comme ça. Non, mais bon, c'est bon. Alors, donc, on le dit au passage. Donc, si vous êtes blond, la cinquantaine, célibataire. Ah, j'aime pas les blonds. Bon, si vous êtes gris, la cinquantaine. J'aime bien grisonner. Cul de jatte ou pas, pas d'importance. Ben, vous intéressez au Odissa. Ou pas, oui. Voilà, donc, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Avec un œil de verre. Ou pas. On s'en fiche, du moment qu'est-ce qu'il faut, il faut. Voilà, donc n'hésitez ouais, pas. De l'argent dans le portefeuille. Onissa est à la recherche de l'âme sœur. Non, mais contre le technique, ok. Je suis pas vénale, moi. Non, non. Donc, bah voilà, donc bah, si vous êtes SDF, ça peut l'intéresser aussi. Elle n'est pas vénale. Donc, faut pas exagérer non plus. Hein. Donc, envoyez un message sur Facebook. Bah non, s'ils ont pas, s'ils sont SDF, ils n'ont pas Internet. Donc, bah, envoyez un message. Laissez un post-it sur la porte de la radio. Bon, allez, on va arrêter de dire des conneries. Ça va être dur. Sherlock, ça ouais. va être compliqué. Bon, on va se retrouver en tout cas après cette petite coupure musicale. Donc, après les Pet Shop Boys et Always on My Mind. Ah, et, oui. Reprise de Elvis Presley. Hein. Oui, oui ouais. tout à fait. Et Phil Collins et Philip Bailey et Easy Lover. Reprise de. Je vois. Peut-être des. J'aime l'accent. Mais c'est peut-être une reprise, yeah. ça, d'ailleurs. Easy Lover. Hein oh, yeah. C'est peut-être une reprise aussi. Je sais pas, je vais ça regarder, tiens. Ouais, tiens pendant la coupure, pas. Je regarderai ça. Ouais. Eh ben, vas-y. Allez, c'est parti. Vas-y, Charlie Oleg. Formidable. We'll be right back. Bonjour, c'est Caroline Love sur RQC. Bienvenue à 80 à l'heure. On appuie à fond sur le champignon, c'est parti. MMA. C'est vrai qu'il se fait du pognon là-dessus quand même. Ouais, carrément, carrément. Et ben oui, donc vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, évidemment, comme tous les mardis, hein, vous le savez, de 20h30, de 20h, pardon, à 22h30. mais c'est Onissa qui me trouble, hein, j'y parle rien. J'ai et rien à côté dit, de moi. Hein, j'ai rien dit. Mais t'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu nous troubles quand même. Tu nous troubles quand même. Ah bah tiens, justement, effectivement, si je te dis 69-99, tu me réponds. Super soirée, samedi soir. Ah bah vas-y, parle-nous-en, puisque c'est notre ami Jean-Marie qui organise régulièrement donc la Blomerie. Ah ouais, à la Blomerie, des soirées, ouais, voilà. C'est ça, oui. Donc il y aura, bah, vas-y, bah, parle-nous-en hein, de cette soirée, justement. Ah bah je sais pas, je te raconterai ça quand j'aurai été. Hein, non mais tu peux nous donner la date et où ça se passe. Oh, eh bah tu l'as dit, à la Blomerie, et c'est samedi 18h. Bah oui, mais toutes les informations. Je les ai pas, les infos, moi. Mais tu voulais nous parler de quoi alors? Bah que on va passer. Attends, la meuf, elle me dit hors antenne. Alors attends, j'ai de l'actualité. Je vais vous parler d'un truc, ouais. Machin. Alors bah voilà, bah il y a une soirée à la Blomerie. Hein. Non, okay. Non, on va remettre. On était occupé de parler, donc j'ai parlé du bœuf gras. T'as parlé de. Et je dis, et moi j'ai encore une actualité. Ah bah vas-y, on t'écoute. Je vais à la soirée à la Blomerie quand même. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu vas à la soirée à la Blomerie? Eh bah, ben c'est pour que tu viennes une fois avec moi quand même. Ah ouais. Et alors, bah, non, vas-y, parle-nous de ta soirée à la Blomerie. Tu vas te taire 2 minutes. Bon, Sherlock, vas-y, parle-nous-en, va. Si t'as bon, les infos. Donc, ouais, c'est soirée donc 69-99, donc 30 ans de hit, avec DJ David Dena et ouais, DJ Pimpon. Donc, bon, il y aura un peu tout style de musique, hein, du funk, de la disco, du reggae, des slow. Des slow, là, c'est bien pour brosser. Ouais. Wow, j'aime pas, moi, c'est sauf si la Purple Rain, c'est risqué. C'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière. Ouais. Papa Rain, t'as 8 minutes 40. Il faut trouver vraiment la bonne personne. Hein, sinon, ouais, t'es dans la merde pendant 8 minutes. Il ouais, y aura également de la New Wave. Donc, le prix d'entrée, c'est 13€. En pré-vente, c'est ouais, 10€. Voilà. Donc, profitez-en. Vous avez, alors, si vous allez sur la page de 80 à l'heure, on a relayé l'info. Vous avez les différents endroits où acheter déjà des billets ouais, pour la soirée. Ça, ouais. Donc effectivement, c'est le samedi 18 mars à partir de 21h au domaine de la Blomerie. Bien. Ouais, c'est toujours chouette là. Ouais, ouais, apparemment, mais moi j'y suis jamais allé. Bah oui, mais moi j'y suis allé plusieurs fois. C'est je vais forcément y aller, mais c'est vrai que le 18 mars, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, parce qu'il y a d'autres choses prévues aussi, effectivement, sur les animations qu'on peut faire avec nos spectacles, ce genre de choses. Donc on essaiera d'y passer. Sincèrement, c'est pas l'envie qui nous manque, mais effectivement, c'est toujours un peu difficile. Voilà. Ouais, mais normalement, c'est toujours super génial. Oui, oui, pareil. C'est bien organisé, t'as pas de problème. C'est l'organisation, elle est bonne, la sécurité, elle est bonne. Donc franchement, c'est toujours bon enfant et tu t'éclates super bien. D'accord, donc non, à noter sur vos tablettes le 18 mars, donc ouais. À la Blomerie. C'est ici, hein. Voilà, donc bah, vous allez sur Facebook, vous allez sur notre page émission 80 à l'heure et vous aurez toutes les informations pour les réservations ou pour acheter vos tickets. Enfin, il n'y a pas de réservation, mais pour acheter vos tickets. Non, les préventes, ouais, tu peux les acheter en prévente, c'est 10€ au lieu de 13. Ouais, ouais, ça vaut absolument, la peine, absolument. Donc, ouais, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est à la Blomerie le 18, donc c'est samedi. Hein. C'est ça. Ça va très vite, ça va très très vite. Un autre événement aussi également qui se déroulera donc le 18, et pourquoi pas y aller avant d'aller à la soirée, puisque ça se passe dans l'après-midi, ça s'appelle le Reflet Mondial de la Photographie pour ah oui. L'année 2017. Donc c'est une exposition avec de nombreux photographes, donc une exposition hein, qui a lieu tous les ans donc, au centre Marius Taquet. Donc cette fois-ci, donc, c'est à partir, en réalité, donc, c'est à partir du 19 mars. Hein. Mais là, je vous parle donc, du vernissage. Du vernissage. Merci, Sherlock. Je t'en prie. Donc, c'est un vernissage qui aura lieu donc, ce samedi-ci, donc à partir de 16h. Donc, c'est entrée gratuite. Donc, allez-y. Si vous voulez voir en avant-première donc, l'exposition, surtout, vous gênez pas. Vous aurez donc l'occasion de rencontrer Carole Deschuimer, enfin bref, je prononce peut-être très mal. À tes souhaits. Ouais, ben oui, donc elle a donc Carole Deschuimer, donc Carole, hein, on va l'appeler Carole, ouais, c'est plus sympa. Carole qui est photographe donc animalier, va inaugurer donc le vernissage, donc ce samedi 18, donc à partir de 16h au centre Marius Taquet. Vous aurez l'occasion donc de voir ses photos aussi. Alors là, une magnifique photo de Lyon, entre autres, mais il y aura plein d'autres photos, bien évidemment, et des artistes plus ou moins connus qui seront présents donc à cette exposition. Et ensuite, bon, bah, si vous n'avez pas l'occasion de vous présenter donc au vernissage de samedi, bah, sachez que c'est ouvert donc à partir du 19 mars jusqu'au 2 avril, donc tous les jours quasiment. Donc bah, vous aurez l'occasion donc d'aller voir l'exposition. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller directement, à mon avis, sur le site du Centre Marius Taquet. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Ok, mais je sais qu'il y a Eddy aussi de Chiffon Rouge qui est impliqué dans l'affaire. Donc, oui, absolument. Je pense que lui pourra aussi renseigner. Ouais, puis on a un petit jingle qu'on sera un plaisir de passer. Oui. Comme ça, on pourra, on vous donnera toutes les informations. Eh bien, écoute, et si on vous le passait maintenant, tiens. Eh ben voilà. Parce que ce sera peut-être plus complet que ce qu'on a dit, donc voilà, autant le passer. Avec une petite coupure musicale juste derrière. Oui. Eh ben, la petite coupure musicale, ce sera Niagara avec Pendant que les champs brûlent. Oui. Et Roxette avec The Look. Ok. Allez. C'est parti. C'est parti. Le Centre Marius Taquet propose le 24e Reflet Mondial de la Photographie du 19 mars au 2 avril 2017. Moucron accueille à cette occasion plus de 2500 clichés issus du monde entier. Toutes ces photographies seront soumises à un jury qui sélectionnera les meilleures pour constituer une exposition présentée au public. 600 photographes dont les membres du Photoclub Artec participent à cet événement exceptionnel. L'expo convie la photographe belge Carole Deschuimer, photographe de la faune africaine, en invité d'honneur. Renseignements auprès du Centre Culturel Marius Taquet. Taquet par téléphone au 056 860 160. 056 860 160. Vernissage le 18 mars 2017 à 16h, auditorium André de Meyer au Staquet. Accroché aux branches, l'herbe sent. never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look, a heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look, she's got the look. Yeah, she's got the look, she's got the look, yeah, she's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue, when everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la, she's got the look. Naked to the tumor as a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look, swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look, she's got the look, she's got the look. Eh bien oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, 95 FM, c'est toujours l'émission 80 à l'heure. Là, on vient de s'écouter Roxette avec The Look, et donc là, on va par contre partir sur... Non, le Zeus. C'est plus en pire. Français, c'est ça. Nom de Zeus, Harry. Remontons vite le temps. Montons tous dans la DeLorean et partons vers l'année 1987. Donc oui, comme vous l'aurez compris, c'est la chronique Ciné Rétro 80 où je vais essayer de vous faire deviner un film. Ouh, ça fait mal. Ouh là là là. C'est pas gagné, hein. Où je vais essayer de vous faire deviner un film des années 80 ouais. Que j'ai regardé cette semaine, que je n'avais pas vu. Ouais. Et je me dis, pourquoi je l'ai pas vu avant? Parce que franchement, c'est un film, enfin connaissant mes goûts pour... Le porno? Non, pardon. C'est pas ça. Ah, mais te connaissant aussi, donc je me suis dit peut-être ouais, que. Ouais, mais non, là, c'est pas du porno. Non, du tout. Emmanuel, c'est 74. C'est un film de slip alors. Ah, bah, il sait ça, lui. Bah oui, bah écoute. Ouais. À la rigueur, il y a Emmanuel 4 qui est dans les années 80. Ouais. Mais le 1, 2, 3, c'est encore années 70. Et qui est resté dans les annales aussi, non ? Oui, j'avais pensé aussi à Histoire d'eau, mais pareil, Histoire d'eau, c'est les années 70. Ah, d'accord. Donc, okay. Donc jamais on aura. C'est un petit indice sonore qui nous ferait. Je sais pas, peut-être. Oui, la photocopieuse. On verra bien. Non, là, c'est un film donc, qui est sorti le 25 février 1987. Ouais. Un mercredi, ouais, c'est ça, Anissa, je l'attendais, je me suis dit, Anissa va le dire. Oui, quand même. Alors, donc, il faut savoir que la musique est de Jack Nitzsche. D'accord. Donc, je vais... Très grand philosophe. Oui, c'est ça, ouais. Nitzsche. Ouais, il fait 43 points au Scrabble, hein, le gars, mettant son nom. Le film a fait 530 451 entrées au box-office français. Alors c'est énorme ou pas ? Non, pas trop. C'est pas beaucoup. Ouais. Non, c'est pas beaucoup. Par contre, il a reçu 3 prix et 7 nominations, dont 2 au Golden Globe. D'accord. Mais les Golden Globe, rappelle-nous, c'est... Alors c'est un festival américain, un peu comme les Oscars. D'accord. Ah ouais, quand même. Donc, c'est quand même énorme pour ce qu'il a eu d'avoir aussi peu d'entrées. Ouais. Il faut savoir qu'il a cartonné aux États-Unis. En France, il est passé, on va dire, limite inaperçu au cinéma. D'accord. Si Lolo nous écoute, je pense qu'elle peut le trouver, parce qu'à mon avis, c'est dans les films qu'elle a pu regarder. D'accord. Ok. Alors. Bon. Et là, je vois que Flip 4 allons-y. Est dubitatif. Donc, je vais vous passer le premier extrait. C'est un extrait musical. Écoutez bien. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along. Vous aurez tous reconnu Jerry Lewis, Great Ball of Fire. C'est ça. Et donc, est-ce que ça a un rapport avec 21 Jump Street? Pas du tout. Non. Donc Johnny Depp, je ne joue pas dedans. Ah non, je ne joue pas dedans. D'accord. Tu pensais à quoi? Mais non, mais c'est pas années 80, je pense à Cray Baby. Mais C'est début 90, je crois, Cray Baby. Ouais, certainement. Mm. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est déjà pas une bio. C'est pas une bio, non, effectivement. Mm. Donc, Non, parce que j'ai déjà fait Great Balls of Fire, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, il va embrayer tout de suite là-dessus, j'ai pas eu tort. Non, mais retour ça, vers le futur. Non, c'est pas ça. Non, parce que c'était Johnny B. Goode. Ouais. Mais je le ferai peut-être un jour. Je vais vous passer un autre extrait. Alors là, c'est un extrait vraiment du film. Écoutez bien. Ah, on va bientôt faire un affreux carnage. Il va sans son armure dans la vie sauvage. Il dégaine vélocité, repart routine. Ce soldat de fortune que l'on baptise Paladine. Faudra qu'on la remplisse chez le casseur. Mon vieux dit qu'il y a un puits d'eau potable. Pas si chopper, si chopper là, on t'y enverra toi. Ah, la méchante vanne. Alors moi j'ai peut-être un indice. Vas-y. Est-ce que ça a un rapport, un point commun avec la ligne verte? Oui. Ah bah oui, évidemment. Bien, donc tu l'as vu celui-là. Et alors, si je fais tout. Oui. Ok, on est d'accord. Ouais, très bien. Ah oui, évidemment. Franchement, tu mets patate. Eh oui. Compte sur moi, tu peux compter sur moi. C'est ça, ouais. Exact, c'est le Compte sur moi, c'est le titre québécois, exactement. Ah ouais, bah je suis pas étonné. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire un petit peu? Moi, je peux vous donner peut-être le pitch du film. Et je crois même que d'ailleurs, celui qui a écrit le scénario joue dedans. Il fait une apparition. Non. Ah non. Je suis pas sûr. Non, je l'ai pas vu. Ah bon, je vais vous donner quelques noms, quelques noms d'acteurs. Donc il y a Marshall Bell, John Cusack. Ah ouais, quand même. Jeune ouais. Alors. Ouais, d'accord. Richard Dreyfuss, ouais. Siemasco, Kiefer Sutherland, Jerry O'Connell, Corey Feldman. Ah, je m'en rappelais pas. Hein. Ah ouais, hein, quand ouais, même, il y a des sacrés acteurs. Hein. Ouais. Ouais. Alors, bon, je vois que Flip 4, idée. Je cherche là, non. Flipcat est en train de sécher un petit peu. Ouais. Alors moi, comme d'hab. D'accord. Eh ben, je vais vous laisser chercher sur cette musique. Mais par rapport à la brochette d'acteurs que tu viens de citer, effectivement, il y en a une paire de bons là. Ah ouais. Ça me dit rien. Je m'attendais pas à les voir, notamment Dreyfus et le Black. Et le Black. Il y a pas de Black dedans. Non. Non, il y a John Cusack, mais il y a pas Black. Non. Jerry O'Connell, il est pas Black. Ah bah non. Corey Feldman non plus. Ah bah il y a peut-être un perchiste qui est Black, non, dans le film. Ah peut-être. Ouais, je pense. Peut-être. Un caméraman. Donc toi, non. Alors, ben, je vais te laisser chercher sur cette musique. Alors, donc là c'est les Cordettes avec Lollipop. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu le titre, mais non, le titre on l'entend 15 fois déjà. Ouais, non, bah, c'est clair. Alors, je vais peut-être donner le pitch du film. Ouais. Ça va peut-être aider Onissa à retrouver le film, parce que je vois qu'elle est en train de mouliner depuis tout à l'heure. Alors, donc c'est un film de Rob Reiner. Ouais. Donc c'est un événement peu ordinaire va marquer la vie du jeune Gordy Lachance. Au cours de l'été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l'Oregon. Gordy et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern, savent qu'il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée et un train l'a heurté. Son corps gît au fond des bois. C'est le frère de Vern qui l'a découvert. Les enfants décident de s'attribuer le scoop et partent pour la grande forêt de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordy et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie. Yes. Alors, dans ce truc-là, il y a un petit indice par rapport à ce... alors, je vais dire, c'est tiré d'un livre. Et il y a un petit indice par rapport à celui qui a écrit, c'est Castle Rock. Parce qu'il y habite ? Non, mais c'est un nom qui revient souvent dans ses... Dans ses romans ? Dans ses romans. Ah oui, d'accord. C'est un nom de ville qui revient souvent. C'est le même. Alors, je peux vous donner un autre indice, si vous voulez. Ouais, vas-y, si vous dites la ligne verte, par exemple. Ouais. Là, je peux vous dire ça. Ouais, je peux vous dire que... Dolores Claiborne, je peux vous dire Misery. Déjà, vous aurez reconnu certainement l'écrivain, non ? Je vais vous donner un autre extrait. Non. Alors, c'est un extrait, justement, du film. Écoutez bien. Est-ce que vous sauriez l'horaire du prochain train ? On peut traverser sur la 136, il y a un pont. Mais t'es cinglé ou quoi ? 8 km en aval, mon vieux. Tu fais 8 km sur un bord, faut que tu te les retapes sur l'autre bord. Il fera nuit d'ici là. Alors que si on traverse ici, on sera au même endroit en 10 minutes. Oui, mais si un train s'amène, on est fait comme des taupes. Écoute-le, l'autre. On saute et hop, tu sais qu'il y a 30 mètres. Eh oui, Teddy. Écoutez, vous n'avez qu'à faire le détour si ça vous chante. Et moi, je traverse ici. Et pendant que vous, les mecs, vous traînerez vos jolis petits culs de gonzesse d'un bout à l'autre du patelin, je vous attendrai bien tranquille de l'autre côté. Plongé dans mes pensées et cool. Alors. Dis-moi, c'est pas l'histoire de gamin ? Si. Ah ouais, bon ben d'accord. C'est l'histoire de gamin, ouais, effectivement. Okay. Et ceux qu'on entendait, notamment, il y avait Corey Feldman, il y avait Jerry O'Connell qui étaient en train de parler. Donc eux étaient gamins déjà. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'histoire du pont. Ah, ok. Alors, ben, je vais vous passer encore un autre extrait musical, c'est celui-ci. Take out the papers and the trash. You don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Alors, ça c'est Yakety Yak, c'est The Coasters. Et ben, ça a été repris par Eddie Mitchell en version française. Oui, bah, d'accord. Comme beaucoup de trucs. Ouais, et c'était en stéréo. Enfin, tu vois, si, je me rappelle. Oui, oui. C'est ça. Mais voilà l'original. Alors dedans, il y a un petit gros. Oui, c'est Jerry O'Connell. Oui, et c'est celui qui. Ils sont devant une vitrine. Et avec un milkshake, il fait le coin avec un milkshake. Ah non, alors, non, là tu confonds avec les Goonies. où les Goonies, il est devant la barrière et il doit faire la danse du Bouffi Bouffon. Fais-nous le Bouffi Bouffon, Sherlock, s'il te plaît. Fais-nous le Bouffi Bouffon, allez. Je le ferai plus tard. Allez, fais-nous le Bouffi Bouffon. Je vous le ferai plus tard. Mais là, pour l'instant, c'est la chronique, donc on continue. Alors, fais-nous le Bouffi Bouffon. Allez, s'il te plaît. Oui, effectivement, le Bouffi Bouffon. Je vais pas le faire là. Enfin, c'est pas radiophonique, mais c'est sûr. Mais c'est pas grave, on va filmer. T'inquiète, on va mettre sur Facebook. Non, donc je vais vous passer un autre extrait sonore du film. C'est l'un des extraits, on va dire, un des extraits palpitants du film. Écoutez bien. Hey Verne, t'as un machin dans le cou. Ouais. Mon œil, je marche plus dans tes combines, la chance. Non, je te jure, Verne, t'as un machin dans le cou. C'est une sangsue. Pas des sangsues. Oh, ah, c'est ah, horrible. Ah, on n'est pas de vestiaire. Oui, ça ne va pas, on n'est pas ça. Ah, ah, des sangsues. Oh, ah, oh, ah, ça nous suit, oh, le sang. Bordel de Dieu. Oh, la vache. Oh, la vache. Chris, oh, nom de Dieu, Chris. Oh là là, merde. Ça va pas, Gordy? Gordy! Tu m'entends, oh, ou pas? Et ça va? Gordy, réponds. Il est peut-être mort. Non, ça se verrait, il respire encore, crétin. Bob va savoir. Hé, hey, relax, quoi, relax, il s'est évanoui. Merde, j'avais jamais vu un mec partir dans les vapes comme ça. Il est peut-être tombé dans les pommes en voyant ta gueule en peau de fesse. La ferme, t'as dit. Oui, effectivement, c'est. Mais je vois le film en question, donc je reviens sur. J'étais en train de mixer deux scènes. Voilà, alors. Je l'ai regardé en VO avec mon gamin il y a pas longtemps. D'accord, bon ben, vous êtes au moins deux à l'avoir trouvé. Ouais. Dans le studio, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Non. À part Harry et Flipcat. Oui. Donc vous pouvez donner le titre. Vas-y, je t'en prie. Non, mais justement, je connais que le titre en anglais, pas en français. Alors c'est un titre. Bah, c'est le titre en anglais, justement. Aussi, ouais. Oui. Alors, ben, mais il faut que ça me revienne. Je t'ai regardé il n'y a pas longtemps. C'est une chanson célèbre, d'ailleurs. Voilà. Stand By Me. Voilà, c'est ça. Absolument. Oui, effectivement. Donc c'est Stand By Me. Alors, il faut savoir que le film est tiré donc d'une nouvelle de Stephen King nommée The Body, donc le corps en français, dans le recueil Différentes saisons qui contient également les histoires Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, qui a été adapté. C'est un recueil en fait dans lequel il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs nouvelles, ouais. D'accord. Et donc ça a été adapté en film aussi sous le nom Les Évadés. Ah ouais. Bon film d'ailleurs. Avec, ouais, ouais. Ouais, ok, je vois lequel. Ouais. Avec Morgan Freeman et je reviens plus sur le oui nom. Oui, d'accord. Il y a également Un élève doué qui est également sorti en film. Ça me parle. C'est sur un jeune qui va voir un gars, un ancien nazi je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et également La méthode respiratoire, ce dernier n'ayant jamais été adapté en film par contre. Donc le film a rapporté 52 287 414 dollars au box-office américain. C'est précis. Pour un budget initial de 8 millions. Wow. Ah ouais, donc, d'accord. Donc il a bien marché aux États-Unis. Ouais, il a super bien marché en fait. C'est marrant ça. Alors, il faut savoir que quand dans le film, à un moment, les garçons comptent leur monnaie parce qu'ils sont partis à l'aventure pour aller chercher le gamin mort. Et ils ont complètement oublié de prendre de la bouffe. Donc ils vont faire à un moment le compte de tout ce qu'ils ont en poche. Et donc quand les garçons ajoutent tout leur argent, ils arrivent à 2,37$. Le numéro 237 apparaît dans bon nombre des histoires de Stephen King, qui a écrit le bouquin. C'est notamment le numéro de la chambre dans Shining. Ah ouais. La chambre dans laquelle le gamin doit pas rentrer en fait. D'accord. Alors, Sean Astin, Stephen Dorff et Ethan Hawke ont été envisagés pour le rôle de Gordy Lachance. Donc, quand même aussi, enfin, trois autres grands acteurs quand même. Le réalisateur Rob Reiner a eu du mal à trouver l'acteur pour le rôle de l'écrivain, parce que l'écrivain, donc, c'est Gordy Lachance, mais vieux. Ouais. Donc, le premier acteur choisi était David Dukes, remplacé par Michael McKean, avant de choisir définitivement Richard Dreyfuss, un ancien ami d'école. D'accord. Donc, ouais. Comme quoi, il faut pas chercher très loin. Richard Dreyfuss, on le dit au passage, hein, qui a joué dans Les Dents de la Mer. Ouais. Oui, entre autres. Voilà, c'est ça. Alors, Corey Feldman, qui joue le rôle de Teddy. Que je me plante pas, ouais, de Teddy. De toute façon, tu pourrais nous dire quelqu'un d'autre. Non, non, mais c'est Teddy, non, même pas. Parce que après, vous pouvez le vérifier après, ouais, donc faut pas non plus que je dise de conneries. Donc, Corey Feldman, donc, et le réalisateur Bob Reiner ont testé 30 rires différents avant de se prononcer sur celui de Teddy Duchamp. Le rire se trouve être semblable à celui décrit dans l'histoire de Stephen King. Ouh, ah oui, pointu, hein. Ils ont quand même fait un sacré travail, quoi, derrière. Ouais. Alors, à l'insistance du réalisateur Rob Reiner, un non-fumeur avide qui a fait campagne pour les lois anti-tabagisme en Californie, les cigarettes fumées par les garçons ont été faites à partir de feuilles de chou. Ah, donc ils ont fumé des feuilles de chou. Ouais. Okay. Ouais, parce que c'est vrai qu'on les, je me suis, on les voit fumer. Ouais, on les voit fumer à un moment. Michael Jackson fut invité à faire une cover de la chanson de Benny King, Stand By Me, pour le film. Et Rob Reiner pensa finalement que la version originale conviendrait mieux au film. Oh oui. Ah oui, alors maintenant, je ne sais pas si Michael Jackson avait déjà enregistré la chanson ou pas. Mais si c'est ça, c'est une petite pépite, quoi. Il faut essayer de se la procurer. Ouais, ouais. Bon. Michael Jackson qui chante Stand By Me, ouais, va être dénaturé un peu quand même. Hein. Oui. Ouais, je sais pas. Le roi de la pop, hein, c'est quand même pas le roi du. Ouais, du je sais bien. Disco, mais bon. Ouais. Après, il a repris Come Together des Beatles, hein, aussi. Donc, Ah, oh, peut-être, ouais. Mm. Et ça donnait quoi? C'était assez bien, c'était un peu plus rock. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, le groupe chante, donc la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, I Run All the Way Home, qui était l'air du thème de All the Way Home de 81 avec Frances Lee McCain, la mère de Gordy, qui joue la mère de Gordy en fait dans le film. D'accord, d'accord. Donc c'est un petit clin d'œil en fait. Et donc Rob Reiner a développé une bonne relation de travail avec Stephen King après ce film, à tel point que Stephen King a seulement accepté de vendre les droits du film Misery, dont tu parlais, si Reiner dirigeait le film. La compagnie de production de Reiner, Castle Rock Entertainment, a également produit plusieurs autres adaptations de King. En outre, John Cusack est également apparu dans le film Chambre 1408, qui est sorti en 2007. Et le père de Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, est apparu dans le film Salem, qui est sorti en 2004. Aussi tiré des bouquins de Stephen King. D'accord. Eh ben... Comme quoi, tout ce petit monde. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, tu viens de me parler de Castle Rock Entertainment. Il y a un point commun, puisque tu me parlais tout à l'heure de Castle Rock. C'est ça, ouais. Ben, en fait, il a. Qui est cher à Stephen King, donc c'est ça. Alors, Rob Reiner a nommé justement sa maison de production en référence à ça. Ok. D'accord. Donc, vous l'aviez vu ou pas, Stand By Me? Non, pas du tout. Bon, ça, alors, c'est une super belle histoire, franchement. Ouais, ouais, je le recommande. Belle histoire, c'est. Ouais. Ouais, c'est assez émouvant, il faut dire quand même. Hein, ouais. Alors, bon, il faut savoir qu'il y a également. Donc, le petit qui joue le rôle de Gordy Lachance s'appelle Will Wheaton. Et il y a également donc, un de ses meilleurs amis qui s'appelle River Phoenix. Qui est décédé en 93 d'une overdose. Ouais. Il a eu une carrière, on va dire, assez fulgurante, qui s'est terminée mal, forcément. Mais il était, en fait, j'ai lu un peu le truc, il était dans une boîte de nuit où jouait Johnny Depp, justement. Ouais. Il faisait un set à la guitare avec un autre gars. Ah oui, d'accord. Et lui, en fait, ben, est parti dans les toilettes à plusieurs reprises. Et en gros, il avait 7 fois la dose d'héroïne dans le sang. Oh là là. Il avait également de la cocaïne, encore autre chose. Donc, il est sorti de la boîte, il est tombé raide mort. Ouais. Voilà. Quelle horreur. Par contre, j'apprends un truc, c'est que. Parce que j'ai toujours vu la VO en fait. Parce que mon gamin kiffe ce film. Je pensais pas que ça portait le même titre en français en fait. Si, si. Alors il y a que les Québécois qui ont changé pour dire compte sur moi. Ouais. Et je l'ai pas vu en version française de toute façon. Voilà. Et bah écoute, à partir de demain, tu pourras. Ah bah écoute, avec plaisir. Tu pourras le voir. Tu m'as donné envie au final de le regarder. J'ai regardé il y a quoi? Il y a un peu plus d'un mois. Eh ben voilà, bah là tu pourras le voir en français comme ça. Ok. Eh bien écoute, Sherlock, merci pour cette rétrospective donc de Stand By Me. J'espère que vous aurez apprécié tout autant que nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure musicale. Et juste après la coupure musicale, on aura une petite actualité assez sympa. Allez, je vous donne des indices, des petits mots-clés comme ça. Si je vous parle de beauté, de demoiselle et de lui. Vous l'avez découvert, évidemment, je vous parlerai donc de Miss Ligne. Oui. Et notamment donc de l'appel à candidature. Et ce sera juste après donc la coupure musicale. Oui, alors juste après Ottawa avec Olema. Oh yeah. Oh là là, oui. Ah ouais, ben, on en parlait en off la semaine dernière. Ouais. Hein, et c'est vrai que je me suis dit, tiens, un petit Ottawa, ça peut être sympa. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est assez festif, quoi. Voilà. Ouais, bah oui. Ouais, ouais. Ouais, non, avec un petit verre dans l'œil, ça passe, quoi. Ouais, ouais, ouais, bon, ok. Et ensuite, on reviendra avec Paul Young et Come Back and Stay. C'est bien parce que je trouve que les deux morceaux ils collent bien ensemble. C'est ça. Ouais. Tu devrais faire le défi mixte aussi. Tu vas passer du Paul Young à Ottawa. Non, par contre, je peux choisir les titres pour le défi mix. Ah ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ce serait chouette. Allez, bah c'est parti. À tout de suite. À tout de suite. We'll be right back. never return. I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay? Trying to hide what I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Just come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay for good this time? Eagle, can come back and stay for good this time. Did you ever come back? Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Et oui, eh oui, vous l'avez compris, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, c'est 20h30, c'est 20h, 22h30, je sais pas pourquoi j'ai toujours 20h30 en tête, je sais pas, c'est peut-être parce que j'avais peut-être un rencard cette semaine à 20h30, donc je l'ai gardé en tête, donc c'est bien 20h, 22h30, j'espère que vous passez un bon moment avec nous, en compagnie évidemment donc de Onissa. Hello. Alors on dit d'Onissa ou de Onissa, c'est pas beau, hein, en compagnie d'Onissa, de Onissa. De Onissa. Onissa. Notre petite Salakis à nous, comme le dit si bien notre ami Canon. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais, en compagnie aussi également de Gizmo, enfin je veux dire Flipkat. Gizmo. C'est nouveau. Et on va voir tous les prénoms. Et bien sûr de Chouba, de Sherlock. Donc voilà, alors moi je vous avais fait un petit trailer tout à l'heure. Oh, ouais, trailer. Un petit teaser. Pour vous parler effectivement donc, d'un événement alors, qui aura lieu au mois d'octobre. Donc on a encore un peu le temps, on a de la marge évidemment. Mais ceci dit, ça va pouvoir vous intéresser, mesdemoiselles et messieurs. Et peut-être Onissa aussi également, hein, et tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, si vous avez entre 12 et 15 ans, ou si vous avez entre 16 et 25 ans, ou si vous avez entre 26 et 56 ans, et bien, et si vous aimez aussi bien sûr la mode, les défilés, la danse, la photographie et les sorties, si vous aimez le charme, vous aimez le spectacle, et bien pourquoi pas vous présenter à Miss Junior ou à Miss ou Ambassadrice et Mister Lune, qui aura lieu donc le 1er octobre 2018. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'appel 2017. À candidat. 2017, ouais. Oui, 2017, évidemment. Évidemment. Ah, pour 2018, tu seras à fond. Hein. Ah, 1er octobre 2017, mais... pardon. Donc effectivement, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'appel à candidature qui va se clôturer à la fin du mois. Donc, si vous êtes une jeune fille de entre 12 et 15 ans et que vous avez envie de devenir Miss Junior, et bien surtout, n'hésitez pas à candidater. Alors, c'est pas très français, mais c'est un néologisme, candidater. Mais posez votre candidature, n'hésitez pas. Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pourriez devenir Miss Lune et piquer la couronne à Michel Boulanger. Et Eh bien, pareil, n'hésitez pas donc à poser votre candidature. Si vous avez entre 26 et 56 ans, Onissa, n'hésitez pas à poser votre candidature. On ne dira pas devenir... si elle est plus près des 26 que des 56. Oui, c'est vrai. Si on devait mettre un curseur entre 26 et 56, on le met où? Je le mets plus près des 50 que des 40. Hein. Bah, voilà. Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Moi, ça ne me dérange pas du tout. T'en as plus derrière toi que devant, quoi, en fait. Bah, pour une fois, moi, j'ai quelque chose. Ouais. Ah là, c'est pas moi. Je n'ai rien dit. Mais t'inquiète, Philippe, ça n'engage que toi. Ton jour va venir aussi. Hein. Ah, mais je le sais. Je me sens pas en forme, d'ailleurs, en ce moment. Mais il est un peu jaloux, Philippe, parce qu'il n'a pas la carte vermeille. Lui, sur... Non, bah, je vais plus la demander. Je me sens pas en grande forme en ce moment. Je suis désolé. Ça ne serait tardé, quoi. Hein. Ouais, mais d'ici là, je vous enverrai un faire-part, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Mais tu sais que c'est gratuit, en fait, hein, la colo machin, à partir de 50 ans. La coloscopie. Mais je vois pas le rapport. Bah si, parce qu'à 50 ans, c'est gratuit. Mais pourquoi je te dis je suis plus près de je te dis je me sens pas en forme ouais, ça me serait tardé j'ai plus il reste plus beaucoup quoi ouais mais bon, je vois pas le rapport avec la coloscopie vu ton âge voilà ouais vous allez voir mon âge d'ailleurs tu vas bientôt là, faire une chronique de l'aide à domicile. Ah c'est pas du tout mon trip non enfin, t'en sais rien tu verras sérieux je venez le week-end je vous enterre c'est vrai. Ouais, mais non. Nous on t'enterre la semaine parce que pouf. Ah ouais. Ouais, quand vous aurez récupéré, ouais. Bon, redevenons sérieux, redevenons sérieux et reparlons-en donc effectivement donc de Miss Junior, Miss et Ambassadrice et Mister Lune qui aura lieu donc le 1er octobre 2017. Donc ce sera à la Grange, donc à Moucron. Mais évidemment, si vous voulez faire partie des candidats, eh bien il faut vous présenter. Et pour ça, bah, vous allez soit directement sur la page Facebook donc de la présidente, qui est Sylvie Gossard. Sylvie Gossard, alors Gossard c'est G-O-E-S-A-E-R-T. Vous pouvez appeler aussi, hein. Il y a un numéro de téléphone, un portable, un GSM comme on dit en Belgique, au 0470 38 22 71. Il y a une page pour l'élection de Miss Lune aussi également sur Facebook, hein. Ouais, il y a une page, donc vous tapez élection Miss Lune ou Miss Lune et vous retrouverez la page et là vous aurez toutes les informations. Donc ne tardez pas puisque donc la clôture donc des inscriptions c'est fin mars 2017. Hein. Excuse-moi. Ouais, début avril, allez, fin mars début avril puisque Pascal est avec nous, hein, c'est lui qui nous apporte l'information, qui est le vice-président, c'est ça? Non, le garde du corps de, ouais, de Sylvie. Pascal qui est ressorti de l'hôpital, hein, parce que la semaine dernière... Oui, la coulante. Et... C'est ça, ouais. Voilà. C'est donc, donc voilà, et donc bien sûr, on embrasse au passage Sylvie, qui est la présidente donc, de l'élection de Miss Lune, et on aura l'occasion d'en reparler, et pourquoi pas peut-être recevoir les candidates, mais certainement à la rentrée, puisque ce sera au mois d'octobre. On a un peu le temps, mais vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous avez moins de temps, il vous reste encore quelques semaines, 2-3 semaines, pour pouvoir donc poser votre candidature. Et il y en a pour tout le monde, en gros, hein, vous pouvez vous présenter de 12 à 56 ans. Oui, ça fait une grande marge. Ben oui. Ah, Onissa. Oui. Et pourquoi tu te présenterais pas? Non, merci, j'ai pas le temps. Mais si, mais ça, moi, j'aimerais voir. Ah, mais si, sérieusement, pour faire un petit promo pour l'émission. Non. Bah si, attends, tu pourrais faire ça quand même. J'habite pas Lune, moi. Eh ben alors, on n'est pas obligé d'habiter Lune. Hein. Alors Et voilà. Bah, je te verrais bien, franchement. Ouais. Défilant en maillot de bain. Ah non. Ah si. Bah, on se contentera d'une pièce, c'est pas grave, mais. Ah non. Le bas. C'est ça. Bah, disons que si elle met que le bas, on verra pas grand chose, on verra pas ses genoux. Alors. Donc voilà, bon, alors donc c'est noté, hein, Miss Lune évidemment, mais on vous en reparlera. On va même d'ailleurs partager l'info sur notre page Facebook. Facebook. C'est quoi ça, Facebook? Je suis un peu dyslexique en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est pour les bouseux, c'est le Facebook, ouais, c'est ça, Facebook. Campagne. Et on devrait inventer ça, Facebook. Hé, hey, amis auditeurs, ouais, voilà, rejoins-nous sur Facebook. Quel est le nom de Zeus? C'est quoi cette histoire? Et bon, maintenant, je suis les rétro 80. Alors, garçon, on a dû avancer. Bon, et on devrait parler comme chaud maintenant. Ah ouais, bah, propos. Bon, on va le faire comme dans. Et je sais pas d'ailleurs s'il y a encore des émissions patoisantes sur l'antenne de RQC, tiens. Je sais pas, tiens. Ah bah ouais, tiens, faut qu'on regarde dans le programme. On avait ça il y a quelques années, encore l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense. C'est vrai que je me souviens plus s'il y a encore des émissions patoisantes. Émission emblématique de la radio, quand même. Hein. Bon, allez, on va continuer en musique. Oui. Hein, avec Paul McCartney et My Brave Face. Oula, je connais pas. Oh, je suis sûr que tu l'as déjà entendu. Ah, certainement. Quand tu vas l'entendre, tu vas dire ah oui. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, on viendra avec Les Pieds qui Puent. Scorpion. Eh oui, Scorpions avec Still Loving You. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. My brain. I'm still loving you. c'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kijifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio de A rue Roger Salengro, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0479 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. La classe! Et c'est la première fois que j'entendais le jingle, mais la classe avec la musique derrière un peu moderne. Wesh, hein, ouais. Et tout. Ouais, ouais. Bah, vas-y, viens manger. Allez, gros, viens au repas, mec. Ouais, voilà. Et tu aimes le cochon ou t'aimes pas, tu viens. Ouais. Ramène ton daron, vas-y. Ouais, voilà. Et si on veut être la rocaille, ouais. Ah, là, là. Non, mais c'est la musique derrière qui m'amuse vraiment. Mais bon, allez, trêve de plaisanterie. Mais ceci dit, effectivement, on compte sur vous. Comme dirait la naine, on compte sur vous. Donc ça se passe évidemment donc le 2 avril 2017, hein, vous l'avez compris, donc à partir de 11h. Ouais. Voilà, donc dès 11h, donc c'est l'apéritif repas qui est organisé par la radio avec une belle tombola. Et puis bah, on vient de découvrir qu'il y avait un smartphone Galaxy S36. Galaxy je sais pas quoi. Gold, c'est un Gold. J5 je crois. Un quoi? Un Galaxy J5 Gold. J5. Les camionnettes comme les camionnettes. Ouais, les vieux J5 Peugeot. Ouais, c'est ça. Avec le rideau à la fenêtre. Comme ceux de mon père, s'y voit. Ça doit pas être tout à fait les mêmes. Et vous savez, les gars, il m'est arrivé un truc la semaine dernière. Je l'ai mis sur Facebook et je l'ai partagé. Et on discutait de la première apparition télévisée de Florence Foresti. Ouais. Vous connaissez évidemment l'humoriste française. Et en fait, elle est apparue il y a exactement 13 ans, en septembre donc 2014, si ma mémoire est... Non, 2004. Ouais. 2004, dans une émission qui s'appelle « On a tout essayé ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, elle faisait les petites chroniques. Ouais, absolument. Et en fait, on a eu une surprise, c'est qu'effectivement, on avait complètement oublié. Mais quand on a regardé l'émission, sur qui on tombe? Sur Bibi. C'est vrai. Parce que j'y étais, mais j'avais complètement oublié. Et c'est pour ça que vous pouvez voir même. Ah non, c'est sur ma page perso. Et je l'ai remise parce que j'ai retrouvé ça sur YouTube par hasard. J'avais complètement oublié que j'avais assisté à la première apparition télévisée donc de Florence Foresti dans l'émission On a tout essayé avec Laurent Ruquier. Il y avait Charlotte de Turckheim à l'époque, Arnaud Gidoin, Christophe Alévèque. Et à un moment, il y a un gros plan sur d'ailleurs une des anciennes chroniqueuses de l'émission. Et moi-même, il y a un gros plan où on nous voit pendant l'émission. Et j'ai trouvé ça assez original, quoi. D'accord. Mais j'avais complètement oublié. J'avais vu la première apparition télévisée de Florence Foresti. Florence Foresti, que j'aime pas beaucoup, honnêtement. J'aime pas tellement son humour. Après, je sais pas si... Moi, j'aime bien, moi. Ouais. Mais je crois que c'est les femmes qui aiment beaucoup Florence Foresti, non ? Moi, je pense. Ah, bah, je sais pas. Parce que moi, j'accroche moyen aussi. C'est concret quand elle fait... Allez, fuck mover, c'est le top quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas de l'humour de femme? Enfin, je sais pas. Bah, c'est ce qu'on a vécu nous. C'est sûr que le square, le truc, l'accouchement, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Mais dites-moi justement, vous avez déjà assisté à un enregistrement d'émission ou ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Failli, mais moi, d'accord. Oui. Ouais, t'as assisté à quoi? Attention à la marche. Oh, ok. Apprendre ou à laisser avec Arthur. Ah ouais. Dans le public ou alors t'as participé au jeu? Non, dans le public. Alors attention à la marche, logiquement. On te choisit dans le public, c'est ça? Ouais, en fait, y a les quatre télés à la fin. Là, et normalement, au début de. Enfin, avant l'émission, avant l'enregistrement, ils nous donnent des papiers avec un numéro dessus. Mm-hmm. Et ils tirent au sort quatre numéros dans le public qui sont affichés sur les télés. Et les quatre numéros qui sont tirés au sort vont après en candidat directement. D'accord. Et t'as pas été tiré au sort? Non. D'accord. T'en as fait d'autres? Ouais, alors j'ai fait une émission qui a duré 3 semaines, je crois. Avec Laurence Boccolini, ça s'appelait Dance Floor. Oula, ouais. Et j'ai les cassettes encore chez moi. J'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. J'étais dans le public. où c'était en gros un battle de danse entre personnes inconnues. Quoi. Ah d'accord, ah, ouais, c'était chouette. Ouais. Donc c'était un peu tout style. Hein. Il y avait le métalleux avec les longs cheveux ouais, qui était contre le gars qui faisait du hip-hop. Mais c'était vraiment. Mais ça n'a pas fonctionné. Si, ça a eu sa petite audience, mais ça c'était pas fait pour durer longtemps en fait. Ouais, c'était peut-être le jeu de l'été ou un truc comme ça. Ouais, ouais, c'était un truc qui était fait pour être entre, je vais dire, Secret Story et Koh-Lanta, tu vois. D'accord. C'était parce qu'il restait 3 semaines, il fallait caser un truc. D'accord. Donc ils avaient mis ça. Sinon, je sais plus, j'ai peut-être dû assister encore à d'autres trucs, quoi. Mais, Journal du Hard, donc. Non. Avec Vandel. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu voir comment ça se passait, les coulisses. Il n'y avait rien du tout. Rien du tout, c'était un petit studio, il n'y avait pas de public, de toute façon. Ben, je pense pas, non. Et toi, Onissa? Non. Aucune émission? Non, aucune. Moi, j'ai fait Tous Égaux. Vous vous rappelez? Non, pas Tous Égaux. Tous Égaux, c'était une émission sur France 3. Je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Où un jour, on a été appelé et on nous a dit, ben voilà. Alors, Tous Égaux, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, je ne me souviens plus du présentateur, mais il était assez connu, c'est un ancien acteur. Qui jouait, alors je sais plus exactement, ça me reviendra. Mais le principe, c'est plus le présentateur. Il non, mais le principe, jouait, on est le bien principe, avancé. C'est que il y avait un rideau sur scène, un grand rideau sur scène qui s'ouvrait, puis les gens faisaient des numéros. D'humour ou... Ouais, bah c'était un peu tout. Il y en a qui chantaient, il y en a qui dansaient, il y en a qui faisaient de l'humour. Et si le rideau il se fermait, il devait partir. Non, c'est pas celui-là. Ah, si c'est possible. Je pense que c'était ça. Et en fait, en fait, c'était des mini-reportages, mais c'était assez connu, hein, tous ces... Florian Gazan. Non, c'était pas ça. Hein. Non. Non, parce que Florian Gazan, je le... Non, mais il était assez connu, enfin bref, ça me reviendra. Et pour l'occasion, en fait, on avait été appelé parce qu'on faisait du spectacle, et on avait été appelé pour participer à l'émission. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on avait fait Ça se discute. Avec feu Monsieur Delarue il y a 10 ans. Ah quoi. Ouais, et pour l'occasion, on avait carrément loué une discothèque, le NIT. Je ne sais pas si vous avez connu le NIT à l'époque. Et on avait loué la discothèque et on avait fait le reportage dans la discothèque. Et on avait fait avec un scénario, enfin bref. Et puis on passait à la télévision. Alors, super content. Mais manque de peau, c'est qu'une semaine avant de passer, ils ont annulé l'émission, tellement ça marchait bien. Donc on n'est jamais passé, mais par contre, sur Ça se discute, si. On est passé à l'époque avec Jean-Marie Bigard, avec Virginie Lemoine, je me rappelle, c'était assez sympa. Et Jean-Luc Delarue. Ouais, il était bien. Ouais, il était sympa. Sympa. Donc voilà. Ok. Eh bien, on va peut-être continuer en musique, parce que d'ici quelques minutes, mon ami Sherlock, tu vas nous parler de Sortie Sinoche. Oui. Alors, on va se retrouver juste après Status Quo et In the Army Now. Et ensuite, on viendra avec Stevie Wonder et I Just Called to Say I Love You. Ah, t'aimes bien, toi, ça. Toi, tu la chantes. Hein. Ouais, mais là, par contre... Tu n'avais pas Sweet Caroline par Status Quo? Ouais, ce serait mieux. Parce que c'est grand classique, ça. Attends. C'est comme Lynyrd Skynyrd avec Whatever You Want. Sweet Home Alabama. C'est des classiques, ça devient... Whatever You Want de Status Quo aussi. Ouais, c'est déjà bien. On va changer Whatever You Want, voilà, pour changer un petit peu. I Just Called to Say I Love You. Merci Sherlock, on dit. Non, merci Sherlock. Allez, c'est parti. We'll be right back. Dans ma chronique, nom de Zeus. Eh ouais. Je vais remonter dans la DeLorean et repartir dans ma chronique. Non, non, donc effectivement, je vais vous faire la chronique. Donc les sorties ciné, donc pour la Belgique et pour la France, à tes souhaits, Vissa. Je suis désolée. Ben c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Eh ouais. Donc effectivement, donc les sorties ciné pour demain en Belgique et en France. Et je vais commencer avec le film Track à Boston. Waouh. Alors, bah si, c'est sur l'attentat à Boston. C'est ça, ouais. Waouh. Alors, à pas confondre avec Trick à Boston, c'est pas le même du tout. Bravo. C'est pas le même. Il fallait que je la fasse celle-là, évidemment. Bah, écoute, bah, oui. Je me suis dit, c'est soit moi, soit Flip 4. Voilà. Ouais, ouais, donc, bah, oui. Et j'ai tout taqué tous les deux. Hein. C'est ça, donc c'est avec l'acteur, les acteurs Mark Wahlberg, John Goodman et Kevin Bacon. C'est un Bacon. Film de Peter Berg. Non, je Bacon pas. Bacon. Et donc c'est sorti le 8 mars en France. Et donc ça se passe donc le 15 avril 2013, en plein marathon de Boston, deux bombes explosent. Et donc alors que les services d'urgence font leur possible pour sauver un maximum de vies, une chasse à l'homme est ouverte pour retrouver les terroristes. Le maire, la police et les services de renseignement doivent unir leurs forces pour attraper les criminels avant qu'ils ne commettent un autre attentat. Et donc l'agent Tommy Saunders, le commissaire Ed Davis, l'agent spécial Delaurier et le sergent Pugliese sont quelques-uns de ces hommes et de ces femmes qui se lancent corps et âme dans cette course infernale contre la montre. Ouais. Et bah écoute, moi ça, j'ai vu la bande-annonce. Ouais. Et ça a soulevé un grand débat en ayant vu la bande-annonce. Ah bon ? Et ouais, bah oui, parce qu'en fait ça retrace quand même l'attentat de Boston. Oui. Ils en ont fait un film. Ouais, bah oui. Avec de l'action, évidemment. Tout a été romancé. Bah ouais, on forcément. Se doute bien, parce qu'on voit certaines scènes où il y a des cascades en veux-tu, en voilà. Ça m'étonnerait que dans la réalité ça se soit vraiment passé comme ça. Enfin bref, bon, c'est américain, on est d'accord. Et on s'était dit, mais t'imagines quand même l'attentat du Bataclan. Est-ce qu'un jour on va faire un film avec l'attentat du Bataclan ? Et ben nous, Français, on fait pas ce genre de choses. Vous avez pas remarqué ? Ouais. Tout ce qui gore, est fait. Moi. Bah ouais, et les Américains le font, quoi. Mais ouais, les Américains le font. Cependant, il y a eu des morts et tout, hein, là-bas. Ouais, mais ouais, ils en ont fait un film. Ouais, moi, je trouve, ouais, moi, ça me choque. Du coup, ça m'a choqué après. Je me suis dit, c'est vrai, l'attentat du 11 septembre, c'est pareil, on en a fait un film. Bah, ils ont fait un film aussi sur les attentats de 2001. Ouais, c'est ça. Et en France, nous, on a. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être une réserve où on fait pas ce genre de choses, enfin, ou alors de mémoire, je me rappelle pas qu'on ait fait des films, en tout cas très très proche de l'événement, voilà, tu vois, ça. Très proche de l'événement. Ouais. Je pense qu'effectivement, on a fait des films évidemment sur la guerre 39-45 et sur 14-18 évidemment, mais on a attendu quand même quelques années avant de les faire. C'est ça. Que là, c'est l'attentat de Boston, ça date d'il y a quoi, il y a 2-3 ans grand maximum. C'était en 2013. En 2013, donc il y a 4 ans, on en fait déjà un film, et surtout, ce qui m'a choqué, c'est que derrière, on en fait un. À une grosse production, à un gros budget, parce que c'est pas c'est pas le film avec le film reportage, quoi, le film documentaire, c'est vraiment le film d'action où le tronc commun, c'est vraiment l'attentat. Moi, ça m'a choqué quand même. Les victimes et les familles, quoi, je trouve ça. Ouais, je trouve ça vraiment. Et on fait de l'argent, quoi, avec quand même une histoire quand même assez sordide. Ouais, c'est vrai. Et moi, ça me choque un peu. Et pour le coup, je me dis, j'irai pas le voir. Ouais, non, c'est moi, pas c'est faux, ouais. C'est, tu vois, c'est ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ah, si, moi, je trouve ça choquant. Moi. Ah, ouais, c'est choquant. C'est exploiter vraiment la détresse humaine, quoi. Attends, non. Mais c'est peut-être parce que c'est une question de culture. Je crois que nous, Français, peut-être, on le fait pas. C'est peut-être aussi pour exorciser un petit peu le fait qu'il y a eu ces attentats. Hein. Oui, mais pas que t'en fasses un film. Exorciser les producteurs, ils s'en foutent de l'exorcisme. Je veux te dire, c'est la thune qu'ils voient. C'est les pépettes. Je pense que mais je sais par exemple qu'au Japon, le cinéma japonais a fait beaucoup de films sur tout ce qui était Hiroshima, Nagasaki. Ouais, bien sûr. Parce que ils exorcisent par le biais des films ou des mangas, parce qu'il y a aussi beaucoup de mangas qui se passent donc ce qu'ils appellent néo-apocalyptique. Hein, après justement ces deux bombes. Donc je sais qu'au Japon c'est un moyen d'exorciser un peu tout ce qu'ils ont vécu. Les Américains c'est peut-être aussi une façon peut-être. Mais je sais quand l'annonce du film, la sortie du film, ça fait l'effet d'une bombe d'ailleurs. Ouais, d'accord. Alors film suivant, Sherlock. Oui. Alors The Lost City of Z. Ah. C'est avec Charlie Hunnam. Sienna Miller, Robert Pattinson. C'est un film de James Gray. Ça sort également en France demain. Donc c'est basé sur des faits réels. Le film narre les aventures de Percy Fawcett, un colonel britannique et un mari aimant. Et donc en 1906, alors qu'il s'apprête à devenir père, la Société Géographique Royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Super intéressant. Passionnant comme film. Ouais. Et donc, il va tomber sur ce qu'il pense être une cité perdue de la forêt amazonienne. Et il va avoir qu'un truc, c'est qu'il va vouloir y retourner, en fait. D'accord. Ouais, bof. Ouais. Rappelle-nous le titre. Ça s'appelle The Lost City of Z. D'accord. Il y a assez de place sur le ticket pour mettre le titre. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, si, ça devrait tenir. Ensuite, sort en France, et par contre, on ne sait pas encore pour la Belgique, on n'a pas encore de date, c'est Chacun sa vie. C'est avec Jean Dujardin, Johnny Hallyday et Nadia Farès. C'est un film de Claude Lelouch. Ah oui, ah bon, il y a du monde. C'est dedans. Le dernier Lelouch. Ouais, ouais. J'ai pris que trois des acteurs, mais il y en a beaucoup. Ah, j'ai vu les extraits. Donc ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort d'un de leurs semblables. Et donc avant d'être juge, avocat ou juré, ils sont d'abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d'ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d'un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins. Mais c'est quoi ce scénario ? C'est du Lelouch, ouais. C'est du Lelouch, ouais, ouais, ouais. Ouais. Porte bien son nom, hein, quand même. C'est ça, ouais. Mais alors, il filme bien. Oui, il filme bien. Ouais. Parfois, c'est assez contemplatif, hein, ce qu'il fait. Bah, si, moi, je me rappelle d'un itinéraire d'un homme gâté, là. D'un enfant gâté. D'un enfant gâté. Bondo, ouais. Le film est un peu space, mais les images sont belles. Oui. C'est super bien filmé. Il a le chic quand même pour réunir un certain nombre de, bah là, j'ai, de beaucoup d'acteurs. Ça, quand même. Ça m'a fait sourire, c'est dans la bande-annonce, on voit à un moment Jean Dujardin qui joue le rôle d'un flic. Ouais. Et il y a Johnny Hallyday qui est dans les locaux. Ouais. Et puis il dit ouais, ouais. Alors il dit ouais, j'en ai marre, il y a un gars qui se fait passer pour moi, fait, j'en ai vraiment marre. Et l'autre il fait ouais, vous avez une pièce d'identité ? Et là, il y a Johnny qui fait « Allumez le feu !» Il fait ouais. « Non, bah c'est bon, suivez-moi. » Tu vois, c'est le truc, le ouais, gore, enfin, ouais. Johnny est connu, quoi, quand même. Ouais, ouais, ouais, Johnny, pauvre Johnny, qui n'est qui pas enfin, tout ça à ça viendrait pas l'idée d'aller voir ce film, tu peux dire. Bah, ouais, ouais, après, je sais pas. Bon. Je demeure à Mucho. Ah, bah, je vais même pas capter. Ah, tu vois. Mais moi, je soupçonne quelque part, c'est que bah, c'est plutôt une histoire de potes, quoi. Lelouch est pote avec beaucoup de gens. Ouais, et ouais. Johnny vient gracieusement prêter sa bobine pour venir faire le film, comme Jean Dujardin et plein d'autres. Et puis, parce que bah, les Lelouch, on peut pas dire que ce soit des films exceptionnels et qui marchent du feu de Dieu. Enfin, bon. Non. Non, c'est vrai que. Il y a eu quoi, Un homme et une femme ? Ah bon, il y en a eu plein des films. La belle histoire, j'en passais des meilleurs. Plein de films qui. Enfin, moi, j'ai essayé de regarder du Lelouch. Homme, femme, mode d'emploi, je crois que c'était lui aussi. Je sais pas, je sais plus. Mais voilà. Okay. Bon, et donc, je vais finir avec ce dernier film qui est L'embarras du choix. Ou le choix de l'embarras, ça dépend comment vous le percevez. C'est avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducré et Jamie Bamber. C'est un... c'est un film américain, peut-être. Non, non, mais l'acteur est pas français, donc il s'appelle vraiment Jamie Bamber. Bamber. C'est le cousin ouais. De Justin. Sinon, j'aurais dit Jamie Bambé, mais il s'appelle Jamie Bamber. Tu sais à quoi tu me fais penser à chaque fois ? Non. C'est quand tu regardes un film en version québécoise. Ah oui, ouais. Quand il parle comme ça, il dit, oui, tu sais, j'ai vu John Marrow. C'est ça. On est allé hier soir au party, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, on est allé à la party. Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit là ? C'est à une fête, quoi. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ouais. Vrai. Non, donc c'est Alexandra Lamy, Arnaud Ducré, Jamie Bamber. Mais pourquoi tu dis pas Alexandra Lamy alors ? Bah, parce qu'elle est française. Ah, oui. D'accord. Et donc c'est un film de Éric Laven. Ça sort en Belgique demain. Et donc frites ou salades, amis ou amants, droite ou gauche, la vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le problème de Juliette, c'est qu'elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleurs amis de tout choisir pour elle. Et lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d'Étienne, aussi charmant et différent l'un que l'autre, forcément... Le cœur de Juliette balance, surtout quand ils vont lui demander sa main tous les deux, qu'ils veulent se marier tous les deux le même jour, là, bah, elle va être obligée de faire un choix quand même. D'accord. Et elle ne sait pas choisir. Ben, c'est ça le problème. Ouais. Comédie française, quoi. Ouais. Ouais. Bon, ça a l'air sympathique, quoi. Petite comédie, quoi. Film 4, t'irais voir quoi ? Aucun. Franchement. Non. Non. Onissa ? Moi, je vais regarder le film de Rétro 80. D'accord. Stand by Me, mais oui, on parle de Sortie Cinoche. Ouais, mais non, parce que non, franchement, mais moi j'aime bien les films d'action. Mais non, là, franchement, il n'y a rien qui percute vraiment. Ouais, non, c'est pareil. Je trouve ça emballé. Honnêtement. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai pas été emballé vraiment cette semaine. Ouais. Bon, peut-être à part par Track à Boston, parce que c'est encore un gros blockbuster qui va sortir. Moi, le titre, il me gêne. Mais quoi. C'est, ouais, voilà, Track à Boston, déjà, ça fait vraiment le film. J'avais pas pensé à ce truc-là. Ah ouais, non, moi ça fait gore, je trouve. C'est gore, et puis même le titre Track à Boston, quoi. C'est, mais effectivement, là où je rejoins Sherlock, c'est qu'on aurait peut-être préféré. Ben, je sais pas si ça va être mis en vente prochainement, le DVD de Track à Boston. Ou... Ah quel con, tu vois. C'est bien. Bah là, il peut à cette heure-ci. Oui. Ouais, bah ouais, à cette heure-ci, tout le monde est éternel son poste. Bah, ils vont ressortir toute la série. Hein. L'air de j'ai mal au bout. C'est ça. J'arrête là. Oui, merci, bon. T'es gentil. Comme Arlette à Malibu. Arlette a mis les bouts. Ouais, c'est ça. Bon, allez, on va arrêter. On va faire une petite coupure musicale et on va se retrouver juste après pour vous rappeler un petit peu toute l'actualité de Moucron et ses environs. Allez, ne quittez pas l'antenne. Courage encore un quart d'heure. Alors parlons d'événements à venir aussi. Je sais que ça fait un peu short. J'avais oublié tout à l'heure de le mentionner parce que je voulais être sûr du groupe. Oui. Relais 59 qui est à l'ERS, c'est deux terres rue Henri Dunant. Oui. Relais 59, donc mon beau frère tient. Il y a un tribute, un groupe, un cover band en fait, qui s'appelle donc Argus Band. Hein, donc c'est un cover band de AC/DC. D'accord. Et donc on vous intéresse. Quand, alors, et c'est quand? Ça, c'est le jour de la Saint-Patrick. Alors, c'est pas le jour de la Saint-Patrick, pardon, ce sera le 18. Puisque la Saint-Patrick, c'est 18 quoi alors? 18 mars? Oui, c'est samedi. Samedi alors, c'est samedi déjà. Oui. Ok. C'est déjà samedi, ouais. Voilà. Ouais, ça, écoutez, c'est à noter. Ouais, faut c'est gratuit, entrée gratuite. Et comme c'est une association démocratique aussi, voilà, tout à fait. Ah bah écoute, ouais, ouais. Argus Band. Band. Ouais. Argus Band. Ben. Bah, si Vénard. Il y en a moins, allez, tout va bien. Bon. Eh ben, Sherlock, on va faire une petite coupure musicale. Ouais. Avec Chris Rea et The Road to Hell. Et juste après, on reviendra avec Bruce Springsteen, des Born in the USA. Ouais. Yeah. C'est de avec sa grosse voix, ouais, mais. Bon. C'est un peu compliqué. Allez, c'est parti. Thank you. USA, I was born. Hé, hey, t'as vu ça? J'ai la voix pour maintenant. Sylvester Stallone. C'est ça. Ouais. Ouais, mon colonel. C'est Born in the USA, c'est ça? Ouais, Born in the USA. Ouais, ouais. Je disais, ouais, les paroles ne sont pas non plus... pas piquer des verres hein, entre nous. C'est ça. Mais c'est pas mal. Oui, ouais. Ouais, c'est The Boss quand même. Oui. Bruce Springsteen. Comment on dit? Springsteen. Ouais, ouais, bon, voilà. T'as de la misère ce soir. Ouais, ouais, non, mais je suis un peu fatigué, hein, les gars. Désolé. Hein. T'as la langue qui chauffe. Exactement, j'ai la fangue qui lourche. Eh ben voilà. Voilà. Oui, ben alors donc avant de se quitter, évidemment, il nous reste encore quelques minutes. On va rappeler quelques-unes des actualités qui marquent en tout cas Moucron et ses alentours. Onissa, tu vas nous reparler évidemment donc, de 69-99. Oui. Alors vas-y, on t'écoute. Non, alors c'est une super soirée à la Blomerie, n'est-ce pas? Donc les places sont en prévente. Mais ça, il faut regarder sur. Je pense que Sherlock, il va. Oui, il y a plein d'endroits. Il y a le Brandzinc, il y a le plan B aussi également, où vous pouvez retirer vos places. Oui, ça vaut la peine quand même, parce bien que sûr. Tu payes 10 euros au lieu de 13. Quand au lieu même. De 13. Ça commence à 21h, donc au domaine de la Blomerie, c'est ce samedi-ci, hein, samedi le 18. Voilà, donc si vous aimez, si vous voulez passer en revue. Il y a tous les styles de musique. Oui, ouais, absolument. Ouais, donc le principe même, justement, ce que nous expliquait l'organisateur Jean-Marie, c'est qu'on démarre sur des musiques un peu oldies, pour des gens un peu moins frais comme Onissa, par exemple, qui viennent en début de soirée et qui partent très tôt. Donc, voilà. Je rentre toujours vers 5-6h le matin. Donc, voilà. Donc, et après, ensuite, ça monte en puissance. En général, c'est jusque minuit, une heure, un truc comme ça. Et puis ensuite, ça monte en puissance vers de la musique plus contemporaine, je veux dire. Actuelle. Plus actuelle. Enfin, pas forcément plus actuelle, puisque ça s'arrête en 99. Donc, évidemment, mais ce sont des soirées qui sont prisées, hein, parce qu'il y en a de plus en plus et ça fonctionne très, très bien. Elles sont organisées par Jean-Marie Houdemaker, d'ailleurs, qu'on salue au passage. Donc, des soirées qui marchent super bien. Il y a deux DJ que jockey. Il y en a un, c'est DJ Pimpon, qu'on connaît évidemment, qui a arpenté toutes les boîtes de la région. Et le deuxième, DJ David Dena. Comment? David Dena. David Dena, ouais, d'accord, absolument. Donc ce sera le samedi donc 18, donc à partir de 21h. Il y a également donc Ronflé. Oh là là. Reflet mondial de la photographie 2017. Donc si vous voulez assister donc à l'exposition, en tout cas donc au vernissage ce samedi 18, donc à partir donc de 16h au centre Marius Taquet, ben surtout n'hésitez pas. Vous aurez l'occasion donc de voir toutes les œuvres de toute association. C'est une association à l'origine de photographes. En présence donc de Carole Deschuimer, désolé si j'écorche son nom, qui est photographe animalier, donc surtout des animaux donc d'Afrique, des superbes photos. Si vous voulez donc assister au vernissage donc le 18 à partir de 16h, c'est gratuit, profitez-en. En plus, il y aura des collations et également de quoi se désaltérer. Et ensuite, si vous voulez aller à l'exposition, hein, c'est du 19 mars au 2 avril donc 2017. Parlons également, bien sûr, de l'apéritif repas. Absolument. Onissa, toi qui en parles très bien. Donc l'apéritif repas aura lieu le dimanche 2 avril, n'est-ce pas, à partir de 11h, au Centre Expo, oui, c'est ça. La salle bleue. La salle bleue. Par contre, pour le repas, il faut penser à réserver. C'est obligatoire. Ouais, sinon, ouais, il reste quelques places, donc d'après... Harry. Non, c'est vrai, en plus, non, oui, si. Ça se remplit bien, il faut faire attention. Hein. Oui, quand même, c'est toujours bien prisé. Puis nous, ça nous fait plaisir et vous aurez la. C'est un peu notre bœuf gras, nous. Ouais. C'est ça. Il est moins gras. Bon, c'est un bœuf si maigre. Un gros cochon. Ouais. Nous, c'est la vache maigre. C'est ça. Un bon cochon à la broche, c'est quand même pas bon. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est bon. Franchement, si, c'est bon. Si, c'est ça, super bon. C'est super et pour bon. Ceux qui ne mangent pas de cochon, il y aura du gigot hein, également. Ouais, ça doit pas être mon gigot d'agneau. Ouais. D'accord. Ok, ok. Eh ben, ça marche. Mais c'est du méchouille, à mon avis. Oh, je sais pas. Si, je crois que c'est du bouton. C'est de l'agneau. Du bouton. Du bouton. C'est du bouton. C'est un problème. C'est ce du soir. Bouton. C'est du bouton. Et je vous assure, il boit de l'eau. Ouais, c'est vrai. Non, du café. Je bois du café. Hein. C'était du bouton ou du moujon? Un croisement de pigeon et de mouton. Non c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tiens, en parlant de croisement, ouais. Parlons-nous aussi d'un autre événement, évidemment. Ouais. Tout à l'heure, alors, Pascal était venu nous en parler. Ouais. Pascal est. Hein Pascal est venu exprès pour parler effectivement d'un événement qui va certainement faire plaisir aux jeunes hommes, aux jeunes femmes et aux femmes aussi également, puisque c'est l'élection de Miss Ligne et la candidature. Bien sûr, vas-y. Alors, ça s'appelle « Et si ton rêve devenait réalité ?» Si tu as entre 12 et 15 ans, catégorie Miss Junior. Si tu as entre 16 et 25 ans, catégorie Miss ou Mister. C'est pas encore pour toi, Onissa. Non, moi je suis trop vieille. Si tu as entre 26 et 56 ans, justement. Miss gériatrie. Ambassadrice. Ah, voilà, catégorie ambassadrice. Voilà. Hein, donc, je n'ai pas dit forcément que tu étais plus proche des 56 ans. Oui, mais quand même. Enfin, ça s'existe. C'est, hein, et si tu aimes la mode, les défilés, la danse, la photographie, les sorties, petit pot de suspension, que tu veux faire de nouvelles connaissances et passer d'agréables moments dans une ambiance conviviale et familiale, n'hésite viens plus, rejoins-nous. Viens au Minoy. Alors vas-y, c'est parti. Là, tu pourras sans plus tarder à la deuxième élection de Miss Junior, Miss Ambassadrice et Mister Luin. Ça voilà. Concerne les mecs aussi. Ouais. Alors pour tout renseignement ou inscription, Facebook, Sylvie Gossard. Ouais, épelle un peu Gossard. Hein, parce que alors Gossard, G-O-E-S-A-E-R-T. Ouais. Voilà. Il y a un numéro de téléphone aussi. Et le téléphone. Le GSM. Le GSM, donc c'est le 0470-38-22-71. Tu vas chier ou quoi? Pardon, non, c'est parce que... Non mais sérieux, il avait 470. C'est parce qu'il prend un accent belge en fait pour dire le numéro. Mais j'ai de la misère à lire aussi. Hein. Il veut tu. Au lieu de dire 0470, tu vois, c'est 0470. Alors, je passais des clôtures des inscriptions fin mars 2017. Non, c'est parce que j'avais difficulté à faire focus. Donc, voilà. Eh ben, écoute, merci pour l'info, mais de toute façon, mais ça, on en reparlera. Merci pour le... Mais je t'en prie. Donc, on vous reparlera évidemment de l'événement. Soit dit au passage aussi, notez aussi sur vos tablettes, puisque le 28 mars, pour faire plaisir à Flipkat, ça lui fera plaisir, c'est certain. On va recevoir. Les Forbans. Non. Mieux, encore les mieux. Blitz, ah. Encore mieux, puisqu'on va recevoir donc toutes les candidates à l'élection donc de Miss Moucron 2017-2018. Donc ils seront chez nous et puis vous aurez l'occasion donc de les découvrir et notamment avec notre merveilleux sac à Miss et ses boules. Voilà, ce sera le 28, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Après, il y a d'autres événements qui vont arriver. On aura aussi d'autres Miss qui viendront. Pour un autre style d'événement différent, ce sera du lourd, je vous le dis, mais ce sera dans quelques semaines. D'ici là, donc portez-vous bien. Moi, je vous salue. Je vous salue, pourquoi vous riez là ? On est content. Bon, un peu triste de devoir déjà se quitter. Mais ouais. Pourquoi tu ris alors ? Parce que je suis super triste, mais il est rire. C'est un rire nerveux. Ouais, d'accord. Ouais, donc. Et comme j'en ai jamais assez, mais on va se quitter avec Dépêche Mode et Just Can't Get Enough. Ah, super. Yeah. Eh ben, merci à vous tous. Bonne soirée. Au revoir, Onissa. Au revoir, Flipkat. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao à tous. Au revoir, Sherlock. Salut, le monocle. Hey, ciao. Ciao. Bisous. I just can't get enough.